طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب أمس أخذنا ثلاثة أبواب اذكرها باختصار. الله عز وجل له الأسماء الحسنى Le dernier, c'était de dire, de faire un doigt et de dire. Istisna, une chit. Si tu veux. Et l'autre du milieu, c'était. Allah va faire une chit, c'est ça. Femma, c'est lequel, ceux d'après? En fait, on a sauté un. T'as dit le premier, le troisième. لا يقال لا يقال السلام على الله on dit pas السلام على الله. Et le premier bab en fait c'est l'ilhad fi asma'illah, le fait de profaner ses noms, c'est à dire en tirant des dérivés ou en y rentrant ce qui n'en fait pas partie. Alaykoum salam. Tayeb, aujourd'hui également on va prendre trois bab, après ce sera baban baban. Et je pense qu'il doit rester 5 ders après celui d'aujourd'hui. Bismillah ta'ala. Et à la fin du dernier, on fera le muraja. Des derniers abouab. Inch'Allah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Bab la yakul abdi wa amati. C'est-à-dire le chapitre qu'on ne dit pas mon serviteur ou mon esclave. Ou ma servante, ou mon esclave, au féminin. Bien que servante, ça peut être khadim. En arabe, ça se dit. Mais abdi, c'est vraiment la servitude, l'assujettissement, yani, complet. En français, parce que ça peut venir de abd et ça peut venir de khadim. Et khadim, hadama fi marzour. Il n'y a pas d'interdit par rapport à ça. La traduction, elle un peu, tu vois, c'est pas clair en français. En arabe, abd, khalas, c'est clair. En français, servant, ça peut être autre chose. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب بما ينافي كمال التوحيد أي عندما يخاطب الرجل علامه وجاريته فلا يقول عبدي وأمتي تأدبا مع الله تعالى بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي وخادمي ونحو ذلك لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله هذا من باب كمال وتأدب مع الله عز وجل والاعتراف له سبحانه وتعالى بأنه المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. Donc ce chapitre il est venu pourquoi? Pour démontrer ce qui s'oppose à la perfection du tawhid. Lorsque la personne s'exprime auprès de son valet, son servant. Là, actuellement, à cette époque, il n'y en a pas. À la Wadi al-Umum. Peut-être dans certaines contrées, mais de façon générale, il n'y a plus d'esclavage. Et à la base, l'esclave, d'où il vient? Il vient lorsque les musulmans font une conquête. Tayyib, ils prennent le dessus sur les koufars, ils prennent leurs femmes et leurs enfants, et les prisonniers. C'est comme ça qu'à la base, des esclaves se font. Après, s'ils se soumettent à l'islam, ils doivent être, ils l'encouragent à ce qu'ils soient libérés. Même. Et malgré qu'ils soient un café, ils soient ton esclave, tu dois bien le traiter. Ce n'est pas l'esclavage comme les gens nous l'ont mis dans la tête, par exemple comme la traite des Noirs, comme ils le faisaient auparavant. C'est comme un animal, hein, tu le tortures, tu lui fais subir son... Là, non. Il a des droits. Le abd, il a des droits sur son maître. Même, car tous, kulluhum ibadallah. Le maître, comme l'esclave, sont tous assujettis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la base, justement, si jamais tu le traites bien, même Abu Huraira, قال, في حديث مدرج, لولا الجهاد وبر أمي, طيب, لتمنيت أن أكون عبدا. Parce que tu vois comme il y a comme récompense. Il dit, si ça n'avait été le jihad, bismillah, et la bienfaisance envers ma mère, j'aurais aimé être un esclave. Donc ne crois pas, ne pas croire que l'esclave en islam c'est un animal maltraité. C'est juste qu'il obéit à son maître, mais il a des droits. Il est nourri, il est nourri, on le loge, il peut se marier, avoir des enfants. S'il se marie, c'est sûr pas esclave. Bien sûr. Il peut te marier, ça reste un esclave. Il a des enfants, les enfants appartiendront au maître également, mais ce sont ses enfants. C'est-à-dire les enfants appliqueront avec leur père le droit du père, ou de la mère, le droit de la mère, à les alika. Donc il dit, lorsque celui qui a un esclave s'exprime auprès de lui, qu'il ne dise pas mon yani abdi. Comme je dis en français, yani c'est pas wadih. C'est-à-dire qu'il ne dise pas abdi ou amati. Et cela, quoi? Par bon comportement et respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui dit ya ibadi. Mais plutôt il dit mon valet, mon jeune garçon. Roulem, à la base, c'est un jeune garçon, ça peut plusieurs sens. Là, ça a le sens de un jeune comme un escuyer ou comme un valet ou comme... ils disent aussi un laquais en français. Un laquais. Donc, on ne dit pas cela. On ne s'exprime pas de la sorte avec le abd. Et cela est parmi quoi? La perfection dans le comportement avec Allah Azza wa Jal. Et reconnaître que c'est lui le malik suprême, absolu. Et que c'est à lui qui appartient toute chose. C'est comme si toi, demain, ton échelle, tu avais une chose qui t'appartenait et quelqu'un vient, qui est en dessous de toi. Et il y a des termes qui font comme si cette chose-là lui appartenait à lui. Parce que ça, c'est pas à toi, ça, c'est à moi. Je t'ai laissé t'en servir, mais c'est pas à toi, c'est à moi. وَإِذَا قِيلَ عَبْدُ فُلَانِ أَوْ إِمَا فُلَانِ فَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِرْبَارِ وَهُ أَسْحَلْ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِدَافَ الْنَفْسِ. Par contre, s'il dit le serviteur ou l'esclave de un tel, ainsi de suite, ça c'est juste une information. Il informe quelqu'un de quelque chose. Il a dit ça, c'est déjà moins grave. Car là, il n'a pas attribué la chose à lui-même, en disant « abdi ». Il a attribué à quelqu'un d'autre. Il a dit ça dans les expressions. C'est déjà plus facile de dire cela que de dire que tu dises « abd fulen » ou que tu dises « abdi ». La salaine, ça a été le cas de qui? On l'a cité il n'y a pas longtemps. Abd al-Muttalib. Et là, c'est dans l'information. Pas dans la nomination, l'appellation. Quoi. Appeler, ça c'est pas permis. Mais décrire, je dis lui, c'est le abd de un tel. Car c'est un abd. Et son maître l'a acheté ou l'a pris. Et son maître, c'est un tel. Donc tu dis, idof, mudof, mudof, ilay. Mais c'est pas un nom. Un nom, c'est pas permis. Ça, c'est du shirk. Wa qala fi sahih an Abi Hurayra radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك وليقول سيدي ومولاي ولا يقول عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. Donc le hadith est متفق عليه selon Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'aucun d'entre vous ne dise nourris ton Seigneur, éclaire ton Seigneur, mais qu'il dise mon maître ou maulaya. Maulaya, ça a plusieurs sens, mais c'est un sens de maître là aussi. Et qu'ils ne disent pas également abdi ou amati. Al-ama, c'est le djem de abd. C'est pas le mouannaf. C'est pas le mouannaf. Mouannaf. Il dit quoi? Djem. Là, je veux dire mouannaf. Ama, c'est le mouannaf de abd. Waliyakul fataya wa fatati wa ghulami. Elle est dans le sens mon valet, serviteur, ou plutôt mon servant. Peut-être une différence en français entre servant et serviteur. Je pense qu'il y a une différence. Est-ce que tu peux dire servant dans un restaurant, mais tu dis pas serviteur? C'est plus sens d'esclave. Ouais. Allah alam. Donc le shir, il explique par rapport à cela que ça, c'est pourquoi également, pour revenir au comportement à avoir envers les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis atrim rabbak, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, il dit à un esclave, va nourrir ton Seigneur. Hemt, elle loves fi lips, rabbek. Fil ghalib, hada yutlak alaman, alallah azawajal. Donc évite, pour pas que ça ressemble ou quoi, tu ne le dis pas. Bektania, c'est pas cela, tu vois. Mais ne le dis pas. Mais c'est déjà venu dans les hadiths où ça a été dit, مثلا, dans le hadith d'Abu Huraira ou de Omar al-Khattab, dans le hadith de Jibril, parmi les signes de l'heure, il dit Antalid al-Amah Rabbataha. Dans une version Rabbaha. Voilà, l'esclave mettra au monde son maître ou sa maîtresse. Il a dit Rabbataha ou Rabbaha. C'est venu. Mais là, peut-être une différence entre le mudaf et le mukhatib ou le mudaf et le ghaib. À la colline, tant que tu peux éviter d'utiliser ces termes, c'est mieux. Et il dit, par contre, le fait de dire Sayyidi wa Mawlaya, il a dit que ce sont des ibarat qui sont connues, elles ne ressemblent pas au Rububiya. Et le Sayyid, il peut avoir plusieurs sens. Ça peut être le roi, le propriétaire, ça peut être un chef dans un groupe. Et là, le sens voulu, c'est le propriétaire de l'esclave. Wa maula kadhalik. Il a plusieurs sens. Maula, il a plusieurs sens. Ça peut être le propriétaire, ça peut être l'allié, ça peut être le secoureur. Et dans une version chiri, il dit La yakul maulaya fa'inna maulakum Allah. Et il dit pas dans une version qui s'oppose à celle-ci, il dit qu'ils ne disent pas maulaya, c'est-à-dire mon protecteur, car votre protecteur, c'est Allah. Dans le sens peut-être de maître ici aussi également. Mais il dit que cette version-là, elle s'oppose aux autres qui sont plus authentiques. Donc les autres prédominent sur celle-ci, qu'il est permis de dire Maula sur, pour en tout cas Allah, d'ailleurs dans le Coran, Allah il le dit, قال عز وجل أحدهما أبكم لا يقدر شيء وكل على مولاه إنما يوجه لا يأتي بخير سورة الإسراء lorsqu'il donne exemple de deux personnes il dit l'un d'entre eux il est muet et incapable de faire quoi que ce soit il est sous la charge totale de son maître il a dit وكل على مولاه وكل على مولاه. Donc il a bien dit Maula. Wakallun ala Maula. Donc c'est montre que cela est permis. Wa azza wa jalla yaqul fi kitabihi innal kafirina la maula lahum. Que les kuffars n'ont pas de protecteur. Là c'est le sens de Nasir. Donc il dit pas de mal à ce qu'on dise Maulaya ou Sayyidi. Et même aujourd'hui, on dit « Ammi ». Ça, c'est un istilah jadid. « El ulama min kirunahu mima a'lan ». Je ne vois pas qu'il y a de mal à dire « Ammi », même si ce n'est pas le frère de ton père. Par exemple, ton beau-père dit « Ammi ». Ou ton voisin s'est occupé de toi. Tous les adultes t'appellent « Ammi ». En français, il y avait ça aussi. On l'appelait « Tonton ». Tous les proches, même si ce n'était pas ton vrai oncle. Dès qu'un adulte venait ou quoi, habitué à l'appeler tonton, pas par son prénom. C'est un manque de respect. Donc en arabe, c'est pareil. Ammi, tu peux l'employer pour celui qui même qui n'est pas le frère de ton père. Ibn Akhouz al-Masa'il. Awalan, annahi an kol abdi wa amati. Qui n'interdit de dire abdi, mon serviteur, pour l'homme ou pour la femme. Afania, la yakul al-abd Rabbi, wala yuqalu lahu at'am at'im rabbak. Que le serviteur ne doit pas dire Rabbi, mon Seigneur, ni on doit lui dire nourris ton Seigneur. Mais il dit quoi ? Sayyidi, maulaya, ghayr dhalika. Thalitha, ta'lim al-awwal kul fataya wa fatati wa ghulami. À la place de Abdi, les termes employés, comme mon valet, mon laquais, mon servant. وكذا رابعا تعليم الثاني قول سيدي ومولاي qui est l'enseignement du deuxième, c'est-à-dire le premier c'était interdire de dire abdi ou mati, donc il t'a appris quoi dire à la place, et là c'est il t'apprend à dire quoi à la place de rabbi, c'est سيدي ومولاي comme on l'a dit auparavant. الخامسة تنبيح المراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. Et c'est quoi, c'est la il veut faire quoi C'est quoi le but de cela? C'est d'apprendre le tahqiq du tawhid, même dans les termes que tu l'emploies. Comment tu parles, fais attention que ce n'est pas une brèche qui amène au shirk ou un ox dans le tawhid. طيب نخوض الباب الذي بعده يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله qu'on ne rejette pas une personne qui aura demandé au nom d'Allah. قال ذكر المؤلف هذا الباب لما فيه من تعظيم الله وجلاله في إعطاء من سأله وحديث ابن عمر من جوامع الكلام التي Utiha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le mu'allif, il a voulu, par ce bab, démontrer le fait de faire le ta'zim d'Allah, de montrer le ta'zim d'Allah et sa splendeur dans le fait qu'il donne à celui qui lui demande. Lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne. Quand les conditions sont remplies, bien évidemment. Au nom d'Allah. Tu vas demander par Allah. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع لكم أو إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوه له حتى ترون أنكم قد كفأتموه روى أبو داود والنصحي بسند صحيح والألباني صحها. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui recherche refuge, c'est-à-dire auprès de vous, par Allah, alors abritez-le. Celui qui vous demande au nom d'Allah, alors donnez-lui. Celui qui vous invite, alors répondez-lui. Celui qui vous rend un bien, un service, alors rendez-lui également. Et si vous ne trouvez de quoi lui rendre, alors faites des doigts pour lui, puisque vous avez vu que cela équivaut à ce qu'il vous a rendu comme service. N'apportez pas à Abu Daoud. Donc là, il dit le shir, Man sa'ala billah fa'atuhu ta'ziman lillah wa jlalan lahu. Là, celui qui te demande au nom d'Allah, tu lui donnes. Cela pourquoi faire un ta'zim d'Allah? Parce qu'il t'a demandé, il t'a pas demandé comme ça simplement. Il t'a dit billah. C'est-à-dire, c'est une chose qui a un très gros poids. Ce n'est pas une demande qui est facile. Et il a dit, et cependant, il y a plusieurs hadiths qui sont venus démontrer le fait qu'il est détestable de demander au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car cela est lourd sur les gens. Quand quelqu'un te dit billah, c'est comme si il te force. Tu n'oses pas le dire non. Et des fois, c'est pour que tu sois dans la gêne, tu ne puisses pas faire la chose. Donc c'est une forme d'insistance sur toi. Mais par contre, ceux qui demandent une chose réelle, un droit qui lui revient, comme la zaka ou les alika, sa moustahiq, alors lui, il est obligatoire de lui donner. Wajib an yu'ta. Ama ceux à qui ce n'est pas un réel droit, le meilleur est de leur donner, mais tu n'es pas obligé de le faire. Et kazalik, comme le cite Cheikh Othaymine, à la base, c'est que le musulman, il ne demande pas. Là-bas, c'est qu'il ne demande pas de toute façon. Que ce soit billah ou l'irélillah, il ne demande pas à part dans des hajat réels. Sinon, il ne demande pas. Ni mendier, ni rien du tout. Tant qu'il se passe autant possible que les gens, autant possible des gens qu'ils le fassent. Alors, demander billah dans une chose qui n'est pas un droit pour réel, c'est une chose qui est contraignante pour les gens. Donc, ce n'est pas à faire. Mais si quelqu'un le fait, le meilleur, c'est de donner ce qu'il te demande. Cependant, ça s'oppose au hadith qu'on a appris il n'y a pas longtemps. Les Salafa de Bani Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit l'ange? As'aluka billazi a'taka al-mal wal lawn al-hasan wal jidd al-hasan kaza wa kaza. Je te demande par celui qui t'a donné des biens, qui t'a donné une belle peau et une belle chevelure ou une belle couleur ou qui t'a rendu la vue et kaza et kaza et kaza. L'ange a bien dit as'aluka billah. Mais là, c'était peut-être pour leur rappeler que c'est Allah qui leur avait donné. Bab al-tafkir. Allah Ta'ala a'lam. Donc également, celui qui yasta'iz billah, qui recherche refuge par Allah, en cherchant auprès de toi que tu l'abrites ou quoi, tu dois l'accepter. si tu en es en mesure, si tu es en mesure de le faire. Par contre, s'il fait cela pour faire tomber un droit, ça non. Tu le fais que si jamais c'est pour apporter une maslaha ou pour lui rendre son droit. Non. À main pour autre, tu ne le fais pas. Et dans son call, ومن دعاكم فاجيبوا له او اجيبوه قال لما في اجابه الدعوه من المصالح وتواصل وتالف والتقارب ولهذا شرعت الاجابه سواء كانت عرس او غيره واهمهما العرس وفي الحديث من لا يجيب الدعوه فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. Donc le fait de répondre à une invitation, cela contient beaucoup d'avantages et ça raffermit les liens, le rapprochement avec les gens. C'est pour cela que cela a été rendu légiféré et même obligatoire dans certaines situations, que il s'agisse d'un repas de noces ou autre. À savoir que le repas de noces, c'est encore plus important d'y répondre quand on t'invite. Dans le hadith rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ne répond pas à l'invitation, il a désobéi à Allah et à son messager. Si t'invites, il faut qu'il y ait une cause, il y a un sébab pour l'invitation. Non, mais t'invites comme ça de lui-même. T'es obligé de répondre. Ah ouais, tu dois répondre à l'invitation. Si t'invites, il y aura Yinouk, il dit je fais à manger, viens à manger à la maison. Ah bah oui, il dit viens à manger. Hein? Si t'invites, on va manger à côté, toi t'as pas le temps. Non, si là c'est un truc qui fait comme ça sur le chemin. Voilà, il a préparé un chose, une DFA, il veut que tu viennes. Voilà, tu vois, une chitima en chair comme ça. Non, tu dois répondre. C'est vrai, il y a un fait à tu vois. Tu dois répondre. Par contre, il y a des moments où tu ne réponds pas. Tu n'y vas pas. Comme le chir le site, des fois tu peux t'excuser. Par exemple, tu es malade. Ou le lieu, il est loin. Tu peux pas t'y rendre. Tu as beaucoup de difficultés à te déplacer. Ou tu as quelque chose de plus important à faire. Aoujab bin Zalik. Tu as un empêchement, je sais pas moi. Il faut que tu ailles faire une chose pour ta famille, pour ton père, pour ta mère. En réalité, Zalik. Ou alors, cette invitation, il y a des choses interdites qui s'y trouvent. Chez quelqu'un où il y a la salle de soir, il y a la télévision, il y a la musique, il y a les retilettes, il y a l'alcool sur la table, ou l'argent par lequel il te nourrit, c'est l'argent qui est haram. Ça, tu réponds pas à ça. Même si c'est un ours, même si c'est tes parents. Si tu peux y aller pour conseiller, les ulama disent vas-y, tu conseilles. Une kalam munkar. Tu vois que ton kalam va être accepté. Tu sais qu'en y allant, tu vas faire une nasiha et les gens vont accepter, vont délaisser cela. Alors vas-y. Sinon, tu t'en vas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité par Ali, radiallahu anhu. Et lorsqu'il est arrivé, il s'en est retourné. Et Ali a demandé pourquoi, il a dit qu'il y avait des souars chez toi. Il n'est pas rentré chez Ali, radiallahu anhu. Aujourd'hui, quelqu'un, tu mets la télé, tu vas repartir, il va dire, toi, t'en fais trop. Et à la télé, c'est pas une simple image. Toi, tu vas voir des femmes, tu vas voir je ne sais quoi, tu vas voir de la musique, c'est même pas une image, je sais pas moi, d'un oiseau en train de voler dans le ciel. C'est des choses, munkara, jiddan, que tu vas voir. Malgré cela, les gens ne veulent pas accepter. Et kazalik, rendre le service lorsque les gens t'ont rendu un service, que tu leur rendes. Et au minimum, par le dua. Si t'ont aidé par de l'argent, tu peux les aider par de l'argent, aide-les. Si jamais c'est par une bonne kalem, ils t'ont fait une nasiha à un moment où tu en as besoin, rends leur une nasiha lorsqu'ils en auront besoin également. Dua lahum. T'as même dua lahum. Il est, t'as aidé pour une chose, même de sa personne, pour t'aider à construire une chose, au kaza, dans ta maison. Le jour où il a besoin d'aide, va l'aider. Même, tu vas l'aider. Tu lui rends le bien qu'il t'a fait. Naam. Donc c'est ça le bab, c'est celui qui te demande par Allah, tu ne dois pas le rejeter. Car le fait de demander par Allah, il t'a demandé par au nom de ton Seigneur. Naam. Tayyib. Qal fi masail. Mas'alatan. Al-oula annahi an yusal bi wajhi Allah illa ghayat al-matalib. Qui n'est pas permis de demander au nom d'Allah si ce n'est des choses qui sont très importantes. Ah là, à point. Je suis parti loin. C'est le bab d'après. Al-oula, i'adatu man sta'aza billah. Que tu dois réfugier, abriter celui qui demande refuge par Allah. Thaniya, i'ata man sa'ala billah. Que tu donnes à celui qui te demande par Allah. Al-thalitha, ijabat al-da'wa. Tu dois répondre à l'invitation. Al-rabi'a, al-mukafa, ala al-sani'a. Que tu rends le bien qu'on t'a donné. Al-khamisa, anna du'a, مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. Que le fait de faire un dua, ça rend le bien qu'on t'a fait. Tu n'as que ça pour pouvoir le rendre le bien qu'on t'a fait. Et ça dit ça qu'auluhu hatta tarau annakum kod kafatumuhu. Ah, c'est ce qui me semblait quand j'ai lu tout à l'heure. Générant encore dans mon livre. Moi j'ai hatta tarauna. En fait c'est hatta tarau. Mansoub. Hatta tarau ta. Dans le hadith. Ah, il y a plein d'erreurs dans mon édition. Ça me perturbe des fois. Ça me fait douter. T'as pas de noun. Voilà, c'est ça qui me semblait alors quand je disais, j'ai lu le noun, il m'a dit qu'est-ce qu'il fait la noun, mais bon. Si ça se trouve, il y a une stisna ou une règle qui m'a échappé, je peux. En fait, non, mais les. Fais le mansoub bi an mun mara. Hatta tarao. Taïb. Ah, l'édition que j'ai vraiment. Daïfa. طيب ونكمل بالباب الآخر. Après il n'y aura plus trois dars, ce sera deux bab par dars inshallah. Comme ceux-là sont courts, on les prend ensemble, court et simple. Bab la yus'al bi wajhi Allah ila al-jannah. Qu'on ne demande pas par le visage d'Allah si ce n'est le jannah. Qala hadha fihi أنه لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'on ne demande pas par le visage d'Allah sinon le jannah. Et le hadith فيه ضعف. ضعفه الألباني وغيره. نعم. إمام سبب لا. Le hadith, il a une faiblesse et en plus d'autres hadiths authentiques démontrent le contraire. Naam. Comme a dit un Abdullah ibn Amr. Quand tu rentres au masjid, nawa du'a, a'udhu billahi al-azim bi wajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Mathalan. Que je recherche refuge auprès d'Allah l'immense par son visage noble et par Sultan il-Kadir, son autorité du Shaitan lapidé. Là, il a dit quoi? Bi wajhihi al-Karim. C'est-à-dire, tu demandes à Allah par son visage, par ses sifat. Là, il y a tawassul et shad'i, on l'a expliqué. Tu fais tawassul par les sifat d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a un attribut. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Jabir, lors de l'explication de Nuzul de certains versets, il disait A'udhu bi wajhik. A'udhu bi wajhik. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le khurasa de ce bab-là, contrairement à ce que a cité l'auteur, c'est qu'en fait, il y a un wajh dans ce qu'il dit, mais ce n'est pas comme lui le dit. C'est qu'en fait, tu ne demandes par le visage d'Allah qu'une chose qui est vraiment grande. Tu ne demandes pas n'importe quoi. D'accord ? C'est une demande qui est vraiment importante et primordiale. Une demande importante et primordiale. Hada al-khurasa du bab. Également, il y a un fort qu'à faire entre le fait de demander à la créature et le fait de demander à Allah. Mais il n'y a pas d'ahadith stipulant que tu demandes à la créature par le wajh d'Allah. Tamam? As'aluka bi wajhi Allah kaza wa kaza. Il n'y a pas d'ahadith, je n'ai pas de dalil qui te le dise que tu puisses le faire. Ce qui est venu, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith démontre que tu peux demander autre que le Jannah, et le hadith qui parle du Jannah, lui, il est daif. طيب. الآن نأخذ المسألتين. قال الأولى أنه عن أن يسأل بوجه الله إلى غاية المطالب. Qui n'est pas permis de demander par le visage d'Allah autre que les choses importantes, primordiales. Et ثانية إثبات صفات الوجه. Que cela te démontre que l'attribut du visage est confirmé, il est réel. Allah, il a un visage. نعم فبهذا القدر نكتفي. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.